À l'occasion de la journée du reboisement, la ville de Pyongyang, les provinces du Pyongan du Sud et du Nord, la province du Chagang et autres ont tenu le 2 mars des meetings de mobilisation et planté des arbres. On a planté plus de 2,3 millions d'arbres et d'arbustes de fleurs, creusé plus de 1 486 000 trous et transporté des milliers de tonnes d'humus.